comme ça, c'est EDF, ils doivent payer des choses parce qu'ils ont été là. Alors que nous, les filles, hier, disaient, parce qu'elles nous ont emmenées à la mosquée hier, les filles, ouais. Et elles nous ont ouvert les garages où les femmes font les prières. Ouais. Voilà. À les garages. Les garages, parce que les hommes sont dans la mosquée, dans le bâtiment en dur, et les femmes, elles sont dans les quatre garages d'à côté. Voilà. Mais ça va s'arranger. Normalement, elles devraient pouvoir aussi être dans le dur. Mais on va agrandir la mosquée pour ça. Et en fait, elles expliquent que y a plein de choses qui se financent à Rio-Pérou grâce à la mosquée, parce que à Rio-Pérou, on ne finance pas ce qu'on demande. Alors, on, je ne sais pas qui c'est, on ne finance pas ce qu'on demande. Tu vois ? Donc, c'est les Émiratis qui mettent les sous à Rio-Pérou ? Eh bien, écoute, alors, on n'a pas répondu avec l'or, c'est les quatre petites qui disaient ça. Non, mais tu vois, du coup, les femmes, là, donc il y en a une, elle avait carrément un projet de... Donc il y avait tout un débat, est-ce qu'il fallait mieux construire ci ou ça, une crèche, qu'est-ce qu'il fallait demander à EDF? Ouais, voilà, moi je me disais, mais d'où ça sort? Puis, tu vois, ils n'avaient pas trop, mais c'était sûr de leur truc que EDF allait payer pour compenser, etc. D'accord. Et après, il y en a une qui voulait monter un truc d'assistant, un relais d'assistante maternelle, une des femmes. D'accord. Il a proposé du coup de faire une espèce de micro-crèche d'assistante maternelle. Et donc, elle avait l'intention d'aller voir EDF pour l'obliger à lui payer un local. Donc, la santé sociale, c'est là, ouais, bon, déjà, il faut que vous passiez votre agrément. T'as l'impression que c'est un peu dans la lignée de ce que Keller dit avant. Ouais, c'est ça, la c'est mairie, la mairie. Oui. La mairie et les écoles de l'IV, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin, toi, tu n'étais pas, mais il y a marqué don de la société civile de l'IV. Et tu te dis la société civile, qu'est-ce que c'est? Et la mairie, et qu'est-ce que c'est que cette société civile? Et c'est Keller? Ouais, je pense. Oui, mais parce que tous les jardins ouvriers qui sont en face de la maison de Keller, ouais, de côté de la Romanche, qui ont été donnés aux chasseurs, en fait, il y a marqué propriété de Keller et Le, c'était les jardins ouvriers des contremaîtres. Ah ouais, ouais. En ouais. fait, l'entreprise, elle paye tout. Moi, mais c'est encore dans ce truc que la grosse boîte doit tout payer. Ouais, ouais. Mais c'est en même temps, tu vois, Crua, ça crôle, ils ont des équipements. Ouais, ils payent tout. Mais c'est pas vrai. EDF, il paye la mairie et la mairie, elle en distribue. Mais regarde, c'est le même système que chez Michelin. C'est pareil. Ouais. C'est le même système que les grosses entreprises de type Michelin, où ils financent. Mais... ce que moi je trouve étonnant ici, c'est qu'il y a eu un micmac où vraiment les entreprises étaient plus puissantes que la mairie. Et quand les entreprises se sont pété la gueule, c'est comme s'il n'y avait pas de culture politique. Ouais. Donc tu vois, il y a le truc, ça fait. Ouais. Parce que tu vois, au final. Oui, mais parce que c'était un modèle patriarcal. Donc du coup, la mairie là-dedans, tu vois, je pense qu'elle s'en satisfaisait amplement finalement. Oui, bien sûr. Non, moi, je te dis, le compète, elle a craché le bassin de l'air. Ah oui. Ah bah oui. Bah, c'est pas craché, mais en tout cas, après, il n'y a pas que maire. Il y a aussi une histoire de dynamique, tu vois, des avenues associatives, des gens. Je veux dire, là, il n'y a personne qui se dit, tiens, je pourrais monter une boulangerie, ça marcherait, quoi. Là, tu vois, tu as 1200 habitants qui sont là, plus quand même, tu es sur un axe majeur, tu montes une boulangerie. Oui, mais. Quand je vois comment les écoles sont équipées avant les services de la boulangerie, tu me dis, putain, mais c'est quand même dégueulasse. Il y a le plus grand chantier hydroélectrique d'Europe qui est mené par une boîte EDF qui est quand même des moyens. Il y a un souci, quoi. C'est pas normal que les écoles aient plus de gazon comme ça. Mm. Oui, mais c'est un souci collectif. Ouais. Tu vois, hier, quand même, c'est marrant, là, je voyais plein de dames dans les rues de Rio-Pérou, là, ce matin, qui sont pas venues. Qui sont pas venues. Elles parlaient, elles étaient toutes dehors, là, et, tu vois, elles avaient les cheveux blonds et tout. Et de l'autre côté de l'aéroport, il y avait plusieurs femmes qui étaient là, qui discutaient. Tiens, c'est marrant, ils sont pas venues. Mais c'était pas des grands magasins. Ouais, mais alors, mais c'est moi, ça m'a questionné hier. Ah bah Bah, c'est sûr, c'est questionnant. Et hier, ça m'a vachement questionné. Parce on n'avait vraiment pas la même population la veille avec la veille. Ah, l'idée. Voilà. Et du, alors, et du coup, moi, la question que je me posais, c'est propre à Rio Pérou ? Ouais. Les Maghrébins ? Et il y avait un peu aussi. Pas des Maghrébins, si tu veux, mais finalement, ce côté très communautaire, est-ce que c'est propre à Rio Pérou ? Mais c'est pourquoi tu trouves que c'est très communautaire ? Bah, parce que hier, tu te rends bien. Les gens qui sont venus hier sont en grande majorité des gens de la communauté maghrébine. Ouais. Et comme si les autres ne venaient pas, comme s'il y avait... Mais même plus que ça, c'était la communauté autour de la mosquée. Parce que Je me suis pas rendu compte. Toutes les femmes, elles étaient quand même vachement voilées, elles pratiquaient la mosquée, etc. C'est pas... Il n'y avait pas tant d'autres gens, je pense, qui étaient moins... Moi, je pense que c'est les gens qui étaient autour de la patience hier. Parce que moi, la question que je me suis posée hier, c'est est-ce que certains ne sont pas venus parce que d'autres étaient là ? Je me suis posé la question, moi, hier. C'est possible. Tu vois ? Ce qui est probable. Nous, on a un souci là-haut, par exemple, où si tu fais partie d'un morceau Saint-Éoffré sur 6 lieux-dits, eh ben, y a 2 lieux-dits ancestralement, pour une raison que je ne connais pas, qui se bouffent le foie. Eh ben, s'il se passe quelque chose là, les gens de l'autre lieu-dit ne viennent pas. Tu vois ? C'est communautaire d'une autre manière. Ouais. Mais moi, hier, je me suis posé la question. Je me suis dit... C'est sûr que... Tu vois, certains sont pas venus, peut-être parce que d'autres étaient là. Ouais.